Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 4, colonne 2. La politique va bientôt commencer à chauffer, et dans le Massachusetts, il est plus que probable que Butler sera chauffé à blanc. Pendant les 6 derniers mois, 160 personnes ont été tuées et 401 blessées dans l'État de New York par des accidents de chemin de fer. Un des résultats de la grève des télégraphistes sera de faire entrer les femmes dans cette partie du service public. C'est une occupation qui convient parfaitement à la femme. Il y en a déjà un grand nombre qui y sont engagés. Cela permettra à beaucoup d'individus, dont plusieurs sont des jeunes gens et célibataires, de choisir d'autres vocations plus actives et d'un caractère moins prosaïque. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2011 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.